الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu, sincère et véridique. سيدي أمير الأنبياء صلى الله عليك عدد نجوم السماء. Maître, émir des prophètes, que les prières soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa rimal as-sahra, et au nombre des sables du désert, wa awladi Adam wa Hawa, et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwat wal-akhawat fi l'islam, après ceci, mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habib Muhammad al-Mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdar as-salati wa azka as-salam, pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. تكلمنا في جمعتين عن الرزاق. Nous avons parlé dans deux vendredis à propos de Razzaq, le pourvoyeur de subsistance. ونحمد الله تعالى وتبارك الذي جعل هذه الدراسة لاسمه رزقا لنا. Et on remercie Dieu qui a fait de cette étude autour de son nom Ar-Razzaq une subsistance pour nos cœurs. واليوم أتساءل ما هي النتيجة العملية لدراستنا السريعة لاسم الرزاق. Aujourd'hui, je m'interroge, quel est le résultat pratique qu'on doit mettre en pratique pour notre étude ou après notre étude brève du nom de Razzaq, le pourvoyeur par excellence de subsistance. والجواب يتكون من أربعة نقاط. La réponse se formule, se compose de quatre points. النقطة الأولى, le premier point, الحب والرضا, l'amour et la satisfaction. أما عن الحب, en ce qui concerne l'amour, المؤمن, الصادق, العادل, le croyant, équitable, véridique, لا يمكن إلا أن يحب الرزاق. Il ne peut qu'aimer الرزاق. كل ما عندك منذ ولادتك إلى اليوم. Tout ce que t'as depuis ta naissance jusqu'aujourd'hui, بل إلى مماتك, ou plutôt jusqu'à ta mort, ما هو إلا رزق أعطاه الله لك. Tout ce que t'as n'est qu'une subsistance que Dieu t'a donnée. فكيف لا تحب الرزاق؟ Comment n'aimes-tu pas الرزاق؟ وأنت غارق في بحر جوده وإحسانه. Et tu es tout à fait ou entièrement noyé dans l'océan de sa générosité et de ses bienfaits. تجد إنسانا يعطيك هدية مرة أو مرتين. Tu trouves quelqu'un qui va te donner un cadeau une fois, deux fois, أو يعزمك للطعام عنده أو في مطعم مرة أو مرتين, ou quelqu'un qui va t'inviter à manger chez lui ou dans un restaurant une fois ou deux, فتحب, et tu l'aimes parce qu'il t'a fait deux fois un cadeau. فكيف لا تحب من أعطاك كل شيء طول حياتك. Comment tu ne peux pas donc aimer celui qui t'a tout donné et pendant toute ta vie. الحياة, la vie, المال, l'argent, العائلة, il t'a donné la famille, القوة, il t'a donné la force, الصحة, il t'a donné la santé, الذكاء, il t'a donné l'intelligence, اللباس, les vêtements, الطعام, le manger, العلم, le savoir, la connaissance, إلى آخره, etc. إذا لم تحب الرزاق فأنت من أكبر الظالمين. Dans le cas où tu n'aimes pas الرزاق, certes tu fais partie des plus grands injustes. ولا يكفي فقط أن تحب الرزاق. Il n'est pas suffisant d'aimer الرزاق. بل يجب أن تحب الرزاق أكثر من كل شيء. Mais plutôt, tu dois aimer الرزاق plus que toute autre chose. أكبر حب في قلبك. Le plus grand amour qui habite ton cœur. أكبر حب في حياتك. يجب أن يكون للرزاق. Le plus grand amour dans toute ta vie doit être réservé au الرزاق. قال الله تعالى, Dieu dit dans un verset coranique, ومن الناس من يتخذ من دون الله يأخذ ناس من غير الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ناس آلهة كاذبة يجعلها كالله مثل الله يحبونهم كحب الله ويحبونهم كحب الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. Parmi les humains, il en est qui prennent en dehors de Dieu des associés égaux à lui et qu'ils aiment autant qu'ils aiment Dieu. والذين آمنوا أشد حبا لله. Dieu conclut par ce verset, or ceux qui ont cru ont pour Dieu un bien plus grand amour. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et salut sur lui dit, ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. Celui qui a ces trois, qui possède ces trois, ressentira la douceur de la foi, ça veut dire dans son cœur. وذكر صلى الله عليه وسلم في أول الثلاث, et prière et salut sur lui, il a cité au premier lieu, أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Que Dieu et son messager soient plus aimés à lui que toute autre chose, même que plus aimé à lui que sa propre personne. Tu dois aimer Dieu plus que tu aimes ta propre personne, ou plus que tu aimes tes parents ou tes copains, etc. Muttafaqun alayh, unanimement authentique. Idha kunta adilan aqilan, dans le cas, mon frère ou ma sœur, où tu es équitable et tu es raisonnable, la yumkin laka illa an tuqabila rizqahu bilhubb alkabir. Dans ce cas-là, tu ne peux que répondre à ces subsistances par un plus grand amour. إذا كنت مؤمنا, dans le cas où tu es croyant, فإيمانك ما هو إلا رزق من الله لك. Dans le cas où tu es croyant, ta foi n'est qu'une subsistance de la part de Dieu donnée à toi. لأنه أحبك, parce qu'il t'a aimé d'abord. Avant que tu l'aimes, avant que tu crois en lui, il t'a aimé. Parce que lui, il donne la vie ici-bas, les biens de la vie ici-bas à la personne qu'il aime et à la personne qu'il n'aime pas. Mais certes, la foi, Dieu ne la donne qu'à la personne que Dieu aime. Est-ce que tu n'aimes pas celui qui t'a aimé? قال تعالى عن المؤمنين الصادقين. Dieu dit à propos des vrais croyants, des croyants véridiques. يحبهم ويحبونه. يحبهم ويحبونه. Ils les aiment et ils, ça veut dire eux, ils l'aiment. Allah, هو الذي أحبهم أولا. C'est Dieu qui les a aimés en premier lieu. فأحبوه في المقابل. Et en réponse à son amour, ils l'ont aimé. يحبهم ويحبونه. Ils les aiment et eux l'aiment. العلاقة بين الله والمؤمنين علاقة حب. La relation entre Dieu et les croyants véridiques est une relation d'amour. Subhanallah, gloire et pureté à Dieu. حتى حبك لله رزق منه إليك من أرزاق الأرواح. Même ton amour pour lui est une subsistance de sa part pour toi, comme une subsistance pour ton âme ou pour ton cœur ou pour ton esprit. فَإِذَا وَجَدْتَ أَنَّكَ لَا تُحِبْ اللَّهِ فَعْلَمْ بِأَنَّكَ مَحْرُومْ مِنْ أَعْظَمِ رِزْقٍ. Dans le cas où tu trouves, où tu comprends que tu n'aimes pas Dieu, sache que tu es privé de la plus grande et la meilleure subsistance, qui est l'amour de Dieu. Là, je pose une question. Comment sais-tu que certainement tu aimes Dieu ? Il est possible que l'individu prétende l'amour de Dieu. Il est facile de dire « moi, j'aime Dieu ». Mais quelle est la preuve, mon frère ou ma sœur, que tu aimes vraiment Dieu ? Al-Jawab, la réponse, « Unzur fi hayatik, hal anta radin anillah ?» Regarde autour de toi, regarde dans ta vie, est-ce que vraiment tu es satisfait d'Allah ? Hal anta radin anil razzaq ? Est-ce que vraiment tu es satisfait du pourvoyeur de subsistance de Razzaq ? Hal taqbal af'al Razzaq ? Est-ce que tu acceptes les actions, le comportement de Razzaq ? Hal anta radin an qismat ar-Razzaq ? Es-tu satisfait de la répartition faite par ar-Razzaq ? Hal anta radin an nasibik ? الذي أعطاك الله الذي أعطاك الرزاق Es-tu satisfait de ta part que الرزاق t'a donné ? إذا كنت فعلا تحب الرزاق أكبر حب. Dans le cas où vraiment tu aimes الرزاق, un plus grand amour, فسترضى بما أعطاك. Certes, tu vas accepter, tu vas agréer ce qu'il t'a donné. إذا لم تكن راضيا عن رزقك. Dans le cas où tu n'es pas satisfait de ta subsistance, إذا لم تكن راضيا عن نصيبك, dans le cas où tu n'es pas satisfait de ta part, فعلم بأنك لا تحب الرزاق. Sache que tu n'aimes pas du tout الرزاق. أنت كاذب في حبك للرزاق. Tu es un menteur dans ton amour pour الرزاق. بمعنى إنك لست راضيا عن الرزاق. Ça veut dire tu es insatisfait, mécontent vis-à-vis de Razzaq. Rida huwa thamaratun lil hubb. La satisfaction vis-à-vis de Razzaq n'est que le fruit direct de l'amour de Razzaq. Kama qala as-salihun, comme les vertueux l'ont dit, rida babullah al-a'zam. La satisfaction est la plus grande porte de Dieu par laquelle on entre vers Dieu. Wa jannatud dunya. Et ils ont dit la satisfaction est le paradis terrestre. Ar-radi anillah ya'ishu fi jannah. Celui qui est satisfait de Dieu, il vit dans ce bas monde, dans un paradis. Ya'ishu fi farh. Il vit avec joie. Amma as-sakhit anillah. Tandis que celui qui est mécontent de Dieu, ya'ishu fi jahannam. Il vit dans la jahannam. يعيش في نار الدنيا. Il vit dans l'enfer de la vie ici-bas. يعيش في عذاب. Il vit dans la souffrance. لأنه غير راض بنصيبه. Parce qu'il est insatisfait de sa part. ورغم عذابه فلن يغير نصيبه. Et malgré sa souffrance, jamais il ne changera sa part. عذاب من أجل لا شيء. Une souffrance durable pour rien. قال النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète prière et sur lui dit: من سعادة ابن آدم رضاه بما قضاه الله له. Parmi le bonheur de l'enfant d'Adam, sa satisfaction de ce que Dieu a décidé pour lui. ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له. Et parmi le malheur de l'enfant d'Adam, son mécontentement vis-à-vis de la décision de ce qu'a décidé Dieu pour lui. Rawahu al-Tirmidhi, rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète prière et sur lui dit, dhaqa ta'am al-iman. Il a goûté la saveur de la foi. Man radiya billahi rabban, celui qui a agréé Dieu comme Seigneur, ou bil Islam dinan, et celui qui a agréé l'islam comme religion, ou bi Muhammadin Rasoula, et celui qui a agréé Muhammad comme messager, celui-ci vraiment a goûté la saveur de la foi. Rawahu l'imam Muslim wa Tirmidhi, rapporté par l'imam Muslim et l'imam At-Tirmidhi. Su'ilat Rabi'at al-Adawiyya, on a interrogé Rabi'a, cette grande vertueuse Rabi'a al-Adawiyya, mata yakunu al-'abdu radiyan, quand est-ce que le serviteur devient satisfait? Qalat, elle a répondu, idha sarratu al-musiba kama sarratu an-ni'ma, le jour où le malheur le rend heureux comme la grâce ou le bienfait qui le rend heureux, ou comme le bonheur qui le rend heureux. Ça veut dire, pour lui, il y a égalité entre malheur et bonheur. Bimana tarba bil faqr kama tarba bil ghina. Ça veut dire, lorsque tu deviens satisfait, tu vas accepter la pauvreté exactement comme tu acceptes la richesse. Tarba bil marad kama tarba bil siha. Tu vas accepter la maladie exactement comme tu acceptes la bonne santé. Tarda bil khasara kama tarda bil ribh. Tu vas accepter la perte comme tu acceptes exactement le gain. Tarda bil ihana kama tarda bil izz. Tu vas accepter l'humiliation comme tu acceptes d'être honoré. Ila akhiri, etc. Kul ma qada Allah tarda bihi. Tout ce que Dieu décide, tu vas l'agréer. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah. Al-Fudayl, fils de Iyad, que Dieu l'englobe par sa miséricorde, lam yadhak wa lam yabtasim 30 sana. Il n'a pas ri et il n'a pas souri pendant 30 ans. Illa yawma mata ibnuhu Ali. Que le jour où son fils Ali est décédé. Fasu'ila ani sabab. On lui a posé la question, pourquoi? Pourquoi tu as ri aujourd'hui? فقال إن الله عز وجل أحب أمرا فأحببت ما أحب الله. Il leur a dit, Dieu certes a aimé une chose et j'ai aimé ce que Dieu a aimé. ولما قدم سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه إلى مكة, lorsque ce compagnon noble qui est Sa'd fils de Abi Waqqas est venu vers la Mecque à la fin de sa vie, وقد كف بصره, et il a perdu la vue à l'époque, طلب الناس منه الدعاء لهم, les gens lui ont demandé de faire pour eux en leur faveur des invocations, فدعا لهم, et il a fait ce qu'ils ont demandé, وكان مجاب الدعوة, et ses invocations étaient exaucées ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له, وهذه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام, et ceci par bénédiction de la prière du prophète, prière et sagesse lui qui a été faite en faveur de Sa'd, et il s'agit là d'un miracle du prophète صلى الله عليه وسلم. فقال له غلام, un jeune lui dit, يا عم أنت تدعو للناس فيشفوا. Il lui a dit, oh oncle, toi tu fais des invocations en faveur des gens et ils guérissent. Si tu fais la même chose pour toi-même, Dieu te rendrait la vue. Il a souri. Et après Sa'd a dit, Bunay, ô mon cher fils, la décision de Dieu m'est plus aimée que ma vue. أخي أختي, الرضا هو أن تحب ما أحب الله لك. La satisfaction c'est le fait que tu aimes ce que Dieu a aimé pour toi. هل أنت راض عن الرزاق؟ Est-ce que tu es satisfait de الرزاق؟ هل أنت راض عن والديك عن أبيك وأمك؟ Est-ce que tu es satisfait de tes parents que Dieu a réservé pour toi, ton père et ta mère؟ هل أنت راض بشكلك؟ Es-tu satisfait de ton aspect, ce support qui n'est qu'un support qui porte ton âme jusqu'à ta mort? Il ne faut pas donner une importance au support, il ne faut pas donner une importance à la forme, il faut donner toute l'importance au fond. l'âme ou l'esprit ou bien le cœur. Est-ce que tu es satisfait de ton aspect? Est-ce que tu es satisfait de ta couleur, la couleur de ta peau? Est-ce que tu es satisfait parce que tu as une petite taille? Tu es la moquerie de tout le monde. Est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu es satisfait de ta laideur? Est-ce que tu es satisfait de tes cheveux? Est-ce que tu es satisfait de ta faiblesse? Est-ce que tu es satisfait de ta maladie? Est-ce que tu es satisfait de ta pauvreté? يقوم بعملية جراحية يخسر الأموال لتغيير شكله. Tu trouves, tu rencontres l'individu qui va même faire une opération chirurgicale. Il perd beaucoup d'argent pour transformer, pour modifier son aspect. يغير حاجبة, يرقق حاجبة. Il modifie son sourcil. Il le rend très fin. هناك من حاول تغيير لونه. Il y a celui qui a voulu même changer sa couleur, la couleur noire pour la remplacer par une couleur blanche. Satan a dit à Dieu dans un verset coranique, وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ لَنَمْ لَيْسُ بِرَضِيِّ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. ماذا قال الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا جهنم وبئس المصير. Satan a dit à Dieu dans un verset coranique, je leur ordonnerai et ils modifieront certes la création de Dieu. Qu'a été la réponse de Dieu? Celui qui prend le diable pour patron en dehors de Dieu a effectivement subi une perte évidente, ça veut dire la GN. Et quelle mauvaise destination. Il y a celui qui déteste ses parents. Il n'est pas satisfait. Parce qu'ils sont pauvres. Ou parce qu'ils sont des Africains. Ou parce qu'ils sont des Arabes. Et arabe est devenu une insulte. Il y a celui qui déteste sa femme. Il n'est pas satisfait de son aspect. Parce qu'elle a enfanté beaucoup et elle n'est plus la même qu'autrefois. Il a akhiri, etc. Akhi ukhti, frère, sœur, man ant, qui es-tu? Mada tadunnu nafsak? Tu te prends pour qui? Turid an tunaqish qararat Allah? Toi, tu veux discuter les décisions de Dieu? Man ant? Hatta tu'arid iradat Allah. Qui es-tu pour pouvoir t'opposer à la volonté de Dieu? Hunaka man tara da'iman sakhitan 'ala kulli shay. Il y a celui que tu vois, mais il est toujours mécontent. Jamais il n'est content. Mécontent de tout qui bouge. La yurdihi fi dunya shay. Aucune chose dans ce bas monde que Dieu a créé ne lui plaît. Sakhit ala shakli, mécontent de son aspect. Sakhit ala rizqihi, mécontent de sa subsistance. Sakhit ala wad'ihi, mécontent de sa situation, ila akhiri, etc. Man ant hatta tu'arid Allah? Qui es-tu pour t'opposer à Dieu? Iblis arada Allah marra wahida. Iblis s'est opposé à Dieu une seule fois. لم يرضى بقراره. Il n'a pas agréé, il n'était pas satisfait de la décision de Dieu. لم يسجد لأبينا آدم عليه السلام. Il ne s'est pas prosterné devant notre père. Adam prière et saille sur lui. قال لله أنا خير منه. Il a dit à Dieu, moi je suis meilleur que lui. النتيجة صار كافرا. Le résultat, il est devenu un mécréant. صار شيطانا من شياطين الجن. Il est devenu un Satan parmi les Satans. Des génies. Pharaon, arad Allah. Pharaon s'est opposé à Dieu. Lam yarda an yakuna abdan lillah. Il n'était pas satisfait de devenir un serviteur de Dieu. Kana ilahan, kana yaqul lahum ana rabbukum al-a'la. Il était un divin. Il s'est pris pour un divin. Il leur a dit, je suis votre Seigneur suprême. فأغرقه الله et Dieu l'a noyé. أخي أختي, frère, sœur, إن أنت عارضت الله, dans le cas où toi tu t'opposes à Dieu, إن لم ترضى بقرار الله, dans le cas où tu n'acceptes pas les décrets, les arrêts, les décisions de Dieu, صرت شيطانا من شياطين الإنس, certes tu deviendras un Satan parmi les Satans humains. أخي أختي, frère, sœur, la tanta man ant, n'oublie jamais qui tu es. Innaka lasta ilahan hatta tu'arid Allah, tu n'es pas un divin pour t'opposer à Allah. Aqidatuk la ilaha illa Allah, ta foi est basée sur il n'y a aucune divinité à part Allah. Anta 'abdun lillah, tu es un serviteur de Dieu. Satakunu sa'idan fi ad-dunya wal akhirah إذا رضيت بعبوديتك. والله, mon frère ou ma soeur, tu seras heureux, joyeux dans ce bas monde et dans l'autre monde, dans le cas où tu agrées, tu es satisfait de ta servitude. إذا رضيت بأنك عبد لسيدك الله, dans le cas où tu agrées que tu es un serviteur de ton maître Allah. وستكون شقيا في الدنيا والآخرة إذا لم ترضى بأنك عبد لله, et tu seras en même temps malheureux dans ce bas et dans le haut monde, dans le cas où tu refuses d'être un serviteur de Dieu. ارضى بربك في كل الحالات, agrée ton Seigneur dans toutes les situations, même dans tous les états, même شكلك, devant ton aspect, même البرودة, devant le grand froid, même الحرارة, devant la chaleur extrême, amam al-rih, devant le vent, amam al-du'f, devant la faiblesse, amam al-faqr, devant la pauvreté, amam al-marad, devant la maladie, amam al-maut al-aqarib, devant la mort des bien-aimés, des proches, amam al-khasara, devant la perte, amam al-ihana, devant l'humiliation, ila akhiri, etc. La tukhrij min famik illa alhamdulillah, ne sort de ta bouche que alhamdulillah, la louange entière est Allah. Iyaka anta soub al-burouda, méfie-toi, n'insulte jamais le froid. Iyaka anta soub al-marad, méfie-toi, n'insulte jamais la maladie. Faka annaka tasoub Allah, parce que c'est comme si tu insultes Allah. Iyaka anta shtaki linnas, méfie-toi, ne te plains pas auprès des gens, ils ne peuvent rien faire pour toi. Ishtaki ilallah, plains-toi à Dieu, plains-toi à lui. فإنك إن اشتكيت للناس فإنك تشكو الله لعباده, dans le cas où tu te plains aux gens à cause de la maladie, à cause de l'humiliation, à cause de je sais pas quoi, tu es en train de plaindre Dieu à ses serviteurs. الدنيا قاعت امتحان كبيرة, la vie ici-bas est une vaste salle d'examen, de test. وربك يمتحنك بحالات كثيرة, et ton Seigneur te teste avec beaucoup de situations, beaucoup d'exercices. Malayin al-halat tout la hayatik, des millions d'exercices, des millions de situations pendant toute ta vie. Yughayyiruk min hal li hal, il te fait changer d'un état vers un autre. Yujarribuk, il te teste. Yujarrib ridak, il teste ta satisfaction. Fima tuhib wa fima la tuhib, il te teste dans les choses que tu aimes et dans les choses que tu détestes. La yumkin an ta'tarid ala al-imtihan, tu ne peux pas t'opposer à l'examen, au test. فَإِنَّكَ فِي دَارِ الْإِمْتِحَانِ, parce que tu es dans la maison d'examen, la vie ici-bas. لَا يُمْكِنْ أَنْ تَقُولْ أَنَا لَا أُرِيدُ الْمَرَضِ, tu ne peux pas dire moi je ne veux pas la maladie. La maladie c'est ton test, tu dois passer le test. لَا يُمْكِنْ أَنْ تَقُولْ أَنَا لَا أُرِيدُ الْفَقْرِ, tu ne peux pas dire moi je ne veux pas la pauvreté. C'est ton test, tu dois subir le test. Et tais-toi. لَا أُرِيدُ كَذَا, je ne veux pas ça. إِذَا قَبِلْتَ الْحَيَاةِ بمعنى قبلت الامتحان, si tu acceptes la vie, ça veut dire tu as accepté l'examen, le test. أخي أختي, إن كنت فعلا راضيا, frère ou sœur, dans le cas où vraiment tu es satisfait, فهنيئا لك, félicitations à toi. فأبشر, فإن الله راض عنك, je te donne la bonne nouvelle, sache que Dieu est satisfait pleinement de toi. وأعلم بأن رضاك عنه رزق, أعطاك الله إياه لروحك. Et sache que même ta satisfaction de lui n'est qu'une subsistance que le Créateur, que Ar-Razzaq t'a donné. رضي عنك أولا. Il t'a agréé en premier lieu. Il est satisfait de toi en premier lieu. فرضيت عنه ثانيا. Et en deuxième lieu, tu l'as agréé comme Seigneur. العلاقة بين الله وعبادته علاقة رضا. La relation entre Dieu et ses créatures est une relation d'agrément, de satisfaction. قال الله تعالى, Dieu le Très-Haut dit dans un verset coranique, رضي الله عنهم. انظروا, هو الذي رضي في الأول. رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dieu est satisfait d'eux et ils sont devenus satisfaits de lui. كما قال في الآية السابقة, comme il a dit dans le verset précédent, يحبهم. ويحبونه. Il les aime et il l'aime. علاقة حب ورضا. Une relation d'amour et de satisfaction. إذا كان هذا الحب وهذا الرضا المتبادل. Dans le cas où il y a dans ta vie cet amour, cette satisfaction mutuelle, فأنت في الدنيا في جنة. لا شك. Sans aucun doute, dans cette vie ici-bas, tu es dans un paradis. ولو كنت فقيرا. Même si tu es pauvre. ولو كنت مريضا, même si tu es malade, tu es dans un paradis. أنت في جنة ولو كنت مريضا ولو كنت فقيرا إنك راض عن ربك. وفي النهاية يا لفا قبل الموت, avant la mort, يقال لك, on va te dire ça. يا أيتها النفس المطمئنة, ô âme pleine de confiance, ça veut dire de Dieu, ارجعي إلى ربك راضية. أنت كنت راضي, ارجعي راضية, ارجعي إلى ربك راضية مرضية, ومرضي عنك من الله تعالى وتبارك. أنت راضية عن الله والله راض عنك, في علاقة رضا بينك وبين الله, فارجعي إلى ربك راضية مرضية كما كنت في الدنيا. يا أيتها النفس المطمئنة, هذه قبل الموت. يا أيتها النفس المطمئنة, ارجعي إلى ربك راضية مرضية, فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا الكلام لن يقال إلا لمن قبل أن يكون عبدا برضا تام عن الله في الدنيا. Ce genre de parole, on ne le dit qu'au serviteur qui a accepté, qui était satisfait entièrement de Dieu dans la vie ici-bas. On lui dit juste avant la mort, ô âme pleine de confiance, retourne à ton Seigneur satisfaite, c'est-à-dire tu étais satisfaite de Dieu, retourne à ton Seigneur satisfaite et donnant satisfaction, et tu as donné satisfaction à Dieu, entre donc dans le nombre de mes serviteurs, parce que tu as agréé d'être serviteur à moi, entre donc dans le nombre de mes serviteurs et entre dans mon paradis. Hada يخرج من جنة الدنيا ليدخل في جنة الآخرة. Celui-ci qui est satisfait, il sort du paradis de ce bas monde pour entrer dans l'autre paradis. أخي أختي, إن لم تكن راض في حياتك عن ربك. Mon frère ou ma sœur, dans le cas où tu n'es pas satisfait, tu es insatisfait dans ta vie de ton Seigneur, tu es toujours mécontent. فهذا يعني مباشرة أن ربك غير راض عنك. Ceci signifie tout simplement et directement et sans tournure, que Dieu est insatisfait de toi. Dieu est mécontent de toi. Parce que dans le cas où il était satisfait, tu deviendrais aussi satisfait de lui. Dans le cas où tu ne te repens pas, tu resteras insatisfait. Ça veut dire tu resteras dans la souffrance, dans le malheur, dans l'enfer de la vie ici-bas. Et après la mort, vers l'enfer de la GN. فانظر ماذا ترضى لنفسك. الجنة أم النار. Regarde mon frère ou ma soeur, qu'est-ce que tu agrées pour toi-même, le paradis ou bien l'enfer. وفي الأخير أوصيكم ونفسي بتقوى الله. À la fin, je vous recommande et je recommande à moi-même la piété de Dieu. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده وسلام على عباده الذين اصطفى، وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه، وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد، عباد الله، après ceci serviteur de Dieu. النقطة الثانية، le deuxième point, كنتيجة علمية عملية لدراستنا لاسم الرزاق. Le deuxième point qui vient comme un résultat pratique de notre étude du nom Ar-Razzaq, le pourvoyeur de toute subsistance, c'est la modestie. Man arafa Ar-Razzaq, wallahi lan yatakabbara toul hayati. Celui qui a vraiment connu Ar-Razzaq, jamais pendant toute sa vie, il ne sera orgueilleux. Fa kul ma 'inda al-insan ma huwa illa inkasat li asma'i Allah al-husna fi. Tout ce que l'on possède n'est qu'une réflexion des noms d'excellence de Dieu. Razaqaka Razzaq, que le pourvoyeur de subsistance t'a accordé. Idha ra'aita nafsaka hayyan, dans le cas où tu te vois vivant, fama anta illa adam, tu n'es qu'un néant. Wal hayy huwa alladhi razaqaka al-hayat, et c'est le vivant par excellence qui t'a accordé la vie. Idha ra'aita nafsaka ghaniyan, dans le cas où tu te vois riche, fama anta illa faqir, normalement tu n'es qu'un simple pauvre. Wal ghani huwa alladhi razaqaka al-ghina, c'est le riche par excellence qui t'a accordé la richesse. Idha ra'aita nafsaka 'aliman, dans le cas où tu te vois savant, fama anta illa jahil, tu n'es qu'un ignorant. Wal 'alim huwa alladhi razaqaka al-'ilm, et c'est l'omniscient, le sachant par excellence, qui t'a accordé le savoir. Idha ra'aita nafsaka 'azizan qawiyan mahbuban min taraf an-nas, dans le cas où tu te vois puissant, fort, aimé par les gens, fama anta illa da'ifun muhan, tu n'es qu'un faible, misérable. Wal 'azizul qawi, et le tout puissant, le tout fort, razaqaka al-'izz, c'est lui qui t'a accordé la puissance et la force. Il a akhiré, etc. En réalité, tu n'as rien. Tu ne possèdes rien. Quand Dieu le veut, il va te retirer ce qu'il t'a donné. Ça veut dire que tu n'as rien. Tu n'es que dépositaire. Ma anta illa ma'moun. أعطاك الله أمانة الحياة، أمانة العلم، أمانة القوة، أمانة الصحة، ومتى أراد أخذ الأمانة؟ ما عندك شيء. متى شاء أخذ منك الحياة. Quand il veut, il va te retirer la vie. أو الغنى، أو il va te retirer la richesse. أو العلم، أو il va te retirer le savoir. أو القوة، أو il va te retirer la force. فلماذا تتكبر؟ Donc pourquoi tu te montres orgueilleux؟ ومن عرف الرزاق عاش متواضعا. Celui qui a connu Ar-Razzaq va mener une vie de modestie. Il se vante pas parce qu'il n'a rien. لا يفتخر بشيء لأنه لا يملك أي شيء في الحقيقة. Il ne va pas se montrer orgueilleux par quelque chose qu'il ne possède pas en réalité. النقطة الثالثة, le troisième point, الحلال, le halal. رزقك مضمون ومحدد من طرف الرزاق المئة في المئة. Ta subsistance est garantie de et fixée par الرزاق à 100%. فلا تبحث عن رزقك بواسطة الحرام. Ne cherche pas ta subsistance par le haram, par le biais du haram. ارفض الحرام. S'il te plaît, refuse le haram, l'interdit. أنت تحب الرزاق. Toi, tu aimes الرزاق. أنت تثق بالرزاق. Toi, tu as confiance en Razzaq. Ibtaid an al-haram. Éloigne-toi de l'haram. Ahib ma yuhib al-Razzaq. Aime ce que Razzaq aime. Al-Razzaq la yuhib al-haram. Al-Razzaq n'aime pas du tout le haram. Al-haram lan yazida fi rizqik. Al-haram jamais il ne va augmenter ta subsistance. Sawa amilta al-haram aw iktafayta bil halal, soit que tu travailles dans le haram ou tu te contentes seulement du halal, fa wallahi fil akhir satakhud rizqak faqat. À la fin, par Dieu le Très-Haut, à la fin, tu ne recevras que ta subsistance. Tu vas pas avoir plus que ta subsistance parce que tu as utilisé le haram. Fa limad al-haram, pourquoi donc j'œuvre dans le haram? Ukhti la ta'ishi bi jismik, ma sœur, ne vis pas avec ton corps ou grâce à ton corps. Akhi la tarush an-nas, frère, ne trompe pas les gens. La tastamil al-hila li akhdi amwalihim. N'utilise pas la ruse pour prendre leur argent. Akhi, la ta'ish bil haram. Frère, ne vis pas avec le haram. La ta'kul mal al-mukhaddirat wa sariqa alladhi ya'ti bihi waladuk. Frère ou sœur, ne consomme jamais l'argent qui vient des drogues, qui vient du vol et qui est apporté par ton fils ou pour ta ou par ta fille. Akhi, idha ishtarayta shay'an masrouqan fa innak sariq. Frère ou sœur, quand tu achètes quelque chose qui est volé, tu es voleur. Sharik fi sariqa, tu es associé dans le vol. Wa tushashshi as-sariqa, et tu encourages le vol. Wa hadha haram, et il s'agit d'un haram. An-nuqta ar-rabi'a wal-akhira, le quatrième et dernier point, al-izz, la fierté. La fierté, la fierté. Rizquk madmoun min taraf ar-razzaq. Ta subsistance est garantie à 100% de la part de Razzaq. As'aluk billah, je te demande au nom de Dieu, la tudil nafsak abadan, ne te rabaisse jamais. Quand tu te rabaisses, tu deviens associateur. La ilaha illallah. Idha hinama tudil nafsak tusbih mushrik wa anta taqul la ilaha illallah, irfa ra'sak, lève ta tête. La tatanazal an dinik min ajl ar-rizq, ne fais pas des concessions dans le domaine de ta religion pour avoir la subsistance. Mathalan tatruk as-salat, par exemple, tu ne fais plus la prière à l'heure. La tanzi'i hijabak min ajl ar-rizq, n'enlève jamais ton foulard, ton hijab à cause de la subsistance pour travailler, ma sœur. Rizquk madmoun min taraf ar-razzaq, ta subsistance est garantie à 100% de la part de Razzaq. Wa sayakhtabiruka ar-razzaq. Fiqh bi'anna ar-razzaq sayakhtabiruka. Certes, frère ou sœur, ar-razzaq, il va te tester. Fa iyyak an tafshal fil ikhtibar. Méfie-toi, n'échoue pas dans le test. Khud rizqak bi'izza. Prends ta subsistance avec fierté. Man arafa ar-razzaq lan yudilla nafsahu abadan. Celui qui a connu Razzaq, jamais il ne va, il ne se rabaisse. إذا كنت تحب الرزاق, si tu aimes الرزاق, إذا كنت راض بنصيبك من الرزاق, si tu es satisfait de ta part venue de الرزاق, لماذا تدل نفسك؟ Pourquoi tu te rabaisse et tu es satisfait؟ دخل الحاكم هشام الكعبة. Ce dirigeant qui s'appelait dans l'histoire Hisham est entré dans le Kaaba, dans la mosquée Haram. فوجد العالم سالما ابن عبد الله. Il a rencontré à côté de le Kaaba ce grand savant et vertueux Salim, fils de Abdullah. Faqala Hisham li Salim. Hisham a dit à Salim, alaka haja, as-tu un besoin? As-tu besoin de quelque chose? Comme ça je te fais ce que tu veux, je te donne ce que tu veux. Qala Salim, inni astahi min Allah an as'ala fi baytihi ghayra. Salim lui a donné cette réponse, ma pudeur m'empêche de demander quelque chose à autre que Dieu dans la maison de Dieu. فَلَمَّا خَرَجَ سَالِمْ مِنَ الْمَسْجِدِ, lorsque Salim a quitté la mosquée, قَالَ لَهُ Hisham, le dirigeant Hisham qui l'attendait à l'extérieur lui dit, أَلَكَ حَاجَ, tu es maintenant à l'extérieur de la mosquée, أَلَكَ حَاجَ, as-tu besoin de quelque chose? قَالَ سَالِمْ, Salim lui dit, مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا أَمْ مِنْ حَوَائِجِ الْآخِرَةِ, est-ce que tu me parles des besoins de cette vie ici-bas ou des besoins de l'au-delà? Ça veut dire, est-ce que je te demande de m'accorder le paradis? فَقَالَ هِشَامْ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا, le dirigeant lui dit non, parmi les besoins de ce bas-monde. فَأَجَبَ سَالِمْ, Salim lui a donné cette réponse, وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُ الدُّنْيَا مَنْ يَمْلِكُهَا فَكَيْفَ أَسْأَلُهَا مَنْ لَا يَمْلِكُهَا. Il lui a dit, par Dieu, jamais je n'ai demandé les biens de ce bas-monde à celui qui les possède. Comment les demanderais-je à celui qui ne les possède pas? إِنَّهَا عِزَّةُ الْعَالِمِ أَمَامَ غِنَ الْحَاكِمِ. Il s'agit de la fierté du savant devant la richesse du dirigeant. وَهَكَذَا نَتِيجَةُ إِسْمِ الرَّزَّاقِ, ainsi le résultat du nom الرَّزَّاقِ, حُبٌّ لِلَّهِ وَرِضَى عَنْهُ, un amour pour Dieu et une satisfaction, un agrément pour lui, تَوَاضُعُ, une modestie, حَلَالِ, le halal, al-izza, la fierté, wal-joud, et la générosité pour être généreux comme lui. وفي الأخير يا لفا إخوانكم بستراسبورغ يشكرونكم شكرا جزيلا على جودكم. Vos frères de Strasbourg vous remercient énormément pour votre générosité. ويقولون لكم لقد أعطيتمونا 27 ألف أورو. Ils vous disent que vous nous avez donné la somme de 27 000 euros. فبارك الله فيكم, que Dieu vous bénisse. وأسأل الله أن يكون راضيا عنكم كما رضي عنكم إخوانكم بستراسبورغ. Et je demande à Dieu qu'il soit satisfait pleinement de vous comme vos frères de Strasbourg sont satisfaits de vous. اللهم إني داع فأمنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب, يا من لا إله إلا أنت, يا رزاق, نسألك رزقا حلالا. اللهم اغننا بالحلال وأبعدنا عن الحرام ولو كان كثيرا. اللهم اغننا بالحلال ورضنا بالحلال ولو كان قليلا. يا رب, يا من لا إله إلا أنت, رضنا بقضائك. يا رب, لا نسألك اليوم شيئا, نسألك الرضا. يا رب, اجعلنا ممن رضيت عنهم ورضوا عنك. يا رب, اجعلنا ممن أحببتهم وأحبوك. يا رب, لا تحرمنا هذا الرزق. يا رب, لا تحرمنا هذا الرزق. يا رب, ارضى عنا واجعلنا نرضى عنك. يا رب, احبنا واجعلنا نحبك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب, نسألك بجودك يا رزاق, ارزقنا هذه الكلمة قبل الموت. اجعل الملك يقول لنا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا رب, لا نسألك شيئا غير هذا. يا رب, ارزقنا تقواك وارزقنا الخشوع. إنك على كل شيء قدير. يا رب, صل وسلم وبارك في هذا اليوم العظيم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين, وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.